France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Le lit n'est pas toujours le cocon douillet que l'on quitte à regret quand sonne l'heure du réveil. C'est aussi le lieu où l'on souffre. Le lieu intime qui soudain devient public, dans une chambre partagée avec d'autres corps malades. La position horizontale forcée, l'immobilité contrainte, la maladie, la fin de toute pudeur. Le lit d'hôpital est-il un attentat à la pudeur? Une émission à écouter dans la position de votre choix. Le plan que nous proposons repose sur trois objectifs forts. Le premier, restaurer l'attractivité de l'hôpital en redonnant l'envie de s'engager à l'hôpital public et d'y construire une vraie carrière et en récompensant l'engagement des personnels. Deuxième objectif, déverrouiller le fonctionnement des hôpitaux en faisant confiance aux responsables de terrain et en facilitant la prise de décision. Appelons un chat, il s'agit bien souvent de lutter contre des processus de décision qui paraissent trop bureaucratiques. Enfin, troisième objectif, dégager des moyens supplémentaires immédiatement par une augmentation des budgets et dans la durée avec un allègement significatif de la dette des hôpitaux. Là, c'est l'ambiance un petit peu du matin. Le matin, il y a beaucoup de soins à l'hôpital et on voit différents patients ici, les quatre patients de la chambre à quatre lits avec un patient ici qui est intubé. En face, on avait un patient ici qui avait une hémorragie digestive et ici, on avait un patient qui était lentement en train de se réveiller. Ici, nous avons une patiente qui était une dame de 90 ans qui est décédée dans la nuit. Donc, tout se passe dans la chambre avec les soins du matin autour d'une patiente décédée. Il y a du bruit, il y a de l'agitation. Et un petit peu plus tard, la famille va pouvoir se recueillir dans la même chambre à quatre lits avec les mêmes patients présents autour de leur mère, en l'occurrence décédée. Avec la télé allumée, bien sûr. Bonjour Éric Fiat. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Est, responsable d'un master d'éthique médicale et hospitalière appliquée. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez à l'hôpital? Ah, je ne travaille pas véritablement à l'hôpital, mais j'y vais le plus souvent possible, d'une part. Et d'autre part, puisque mes étudiants sont des soignants, au sens très large du terme, un médecin ou non-médecin, alors infirmière, sage-femme, kiné, directrice d'une maison d'accueil spécialisée, je dirais que la réalité quotidienne de l'hôpital, eh bien c'est eux qui me l'amènent. Et ça m'apparaît absolument fondamental parce que cette mode de l'éthique médicale est une chose qui me fait plutôt plaisir puisque je m'occupe d'éthique depuis presque 20 ans. Mais en même temps, quelque chose m'inquiète aujourd'hui. Ce que j'appellerais le devenir déontologique de l'éthique. Cette formule mérite peut-être une petite explication. Oui, je vous en prie. Ça veut dire que de plus en plus, ceux qui prétendent parler d'éthique s'en tiennent à un discours sur les devoirs et disent aux soignants, vous devez respecter vos patients. Le respect étant nécessaire mais pas suffisant, il faudrait qu'on y ajoutât quelque chose comme de la sollicitude, de l'empathie. Et ce discours déontologique, ce discours qui réduit l'éthique à une liste de devoirs, est souvent très ignorant de la réalité concrète de la vie des soignants. Éthique, ça vient aussi du mot « ethos » qui veut dire le lieu, le séjour. Alors je ne séjourne pas à l'hôpital, mais j'essaie de rendre hommage à ce que les soignants vivent et j'aurais quelque honte à leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Mmh. Mon métier, c'est d'abord de rendre hommage à ce qu'ils vivent, d'essayer de mettre en mots leur réalité quotidienne. Et dans le témoignage que nous avons entendu, il y a quelque chose d'absolument bouleversant. C'est un extrait des Pieds sur Terre. Hein, les Pieds sur Terre, une émission de France Culture. Oui. La mort d'un proche devrait se passer dans un lieu clos, dans un lieu retiré, dans un lieu doux. Et elle est donnée dans un lieu où, ouvert à tout vent. Il y a là quelque chose comme un scandale qui, à mon avis, fait autant souffrir la famille de cette vieille dame qui vient de mourir que les soignants qui l'ont accompagnée. En philosophie, nous pensons que la mort d'un homme, c'est pas simplement la soustraction d'un être au monde. C'est la fin d'un monde. C'est comme ça qu'Hannah Arendt désignait la mort. Non pas seulement la soustraction d'un être au monde, mais la fin d'un monde. Et pour les proches, c'est même souvent la fin du monde. Alors que cette fin du monde se produise dans un lieu ouvert à tout vent, il y a là quelque chose d'assez désespérant. C'est le paradoxe du lit d'hôpital, c'est qu'un lieu intime privé devient exposé au regard de tous. Exactement. Ce qui nous est murmuré ici, c'est la différence abyssale qu'il y a entre le lit d'hôpital et le lit dans lequel nous nous sommes couchés hier, et sans doute nous nous coucherons ce soir, si on a la chance d'avoir un lit, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des migrants, des SDF qui n'ont pas de lit. J'ai relu Rimbaud, et Rimbaud nous invite à nommer les gens qui dorment dans la rue des petits Jésus vêtus de givre. Des petits Jésus vêtus de givre. Bon, enfin, vous avez un lit, j'en ai un. Mmh. Ce lit, évidemment, se différencie totalement du lit d'hôpital par le fait que, en ce lit, nous avons à peu près tout choisi. Nous avons choisi les vêtements que nous portons avant que de nous y glisser. Nous l'avons choisi, ce lit. Nous en avons choisi le chevet et nous avons choisi l'heure à laquelle nous nous couchons. Or, à l'hôpital, de ces quatre choix, nous sommes généralement privés. Et je dirais là qu'il y a quelque chose comme une déchéance, quelque chose comme une abdication. Dans la vie quotidienne, nous construisons, je dirais, notre vie à partir du tracé que nous faisons de la frontière entre ce que nous voulons montrer, ce que nous voulons cacher, entre ce qui est public et ce qui est privé, entre ce qui est extime et ce qui est intime. Et dans nos vies, nous essayons en effet de maîtriser, d'avoir une certaine souveraineté sur ce tracé. À l'hôpital, l'entrée à l'hôpital, c'est souvent la perte de toutes ces souverainetés-là. Et comme vous le disiez, il y a la possibilité peut-être d'un attentat à la pudeur humaine à chaque fois qu'on va à l'hôpital. En a-t-il toujours été ainsi ? Est-ce que l'hôpital a toujours été le lieu d'une violation de l'intimité de chacun ? Pour répondre à cette question, Éric Fiat, je vous propose qu'on remonte dans le temps et qu'on écoute un texte, un premier texte. On en va en écouter plusieurs ensemble. Et magnifique, vous en avez choisi certains, donc je me permets de le dire. Cette fois-ci, c'est un texte de Verlaine, Mes hôpitaux. Ah oui. 1891, donc on va dans l'hôpital de la fin du 19e siècle. Au moment où Verlaine compose ce texte, il est en perdition, il arpente tantôt la prison, tantôt les hôpitaux, tantôt les cafés. Et il se fait, dans son écriture, le témoin de ces institutions. Écoutez-le donc décrire, se mettre à la place d'un malade ou d'un patient à l'hôpital. Patient, le mot porte bien ou mal son nom, je ne sais pas. Qui décrit donc comment se passe le quotidien, la vie ordinaire à l'hôpital. Nous sortirons tôt ou tard, plus ou moins guéris, plus ou moins joyeux, plus ou moins sûrs de l'avenir, à moins que plus ou moins vivants. Alors nous penserons avec mélancolie aux médecins inhumains ou bons, aux infirmiers rosses ou pas, à telle ou telle surveillante qu'on maudissait quand on ne la mystifiait pas. Pas nous, les autres, parce qu'elle était trop bonne. Peut-être un jour nous reviendrons, mélodieuses du passé, ces conversations de lit à lit, de bout à bout de salle parfois. Allons, messieurs, un peu de silence donc. Nous ne sommes pas ici à la chambre. Taisez-vous, 27, espèce de cheval de retour. C'est toujours les abonnés qui font le plus de pétards. Ils nous reviendront, ces sommeils coupés de cris d'agonie, ces vociférations de quelque alcoolique, ces réveils avec de ces nouvelles. Le 15 a cassé sa pipe. As-tu entendu ce cochon de quatre ? Quel nom de Dieu de sale ronfleur ! Par-dessus tout, nous reviendra, hélas, sous forme d'utile regret, ce calme sobre, cette stricte sécurité de ces lieux de douleur, certes, mais aussi de soins sûrs et de pain sur la planche. Peut-être un jour que la mort nous tâtera, que la maladie avant-courrière et fourrière nous tiendra fiévreux et douloureux, peut-être miséreux et solitaires. Les reverrons-nous, non sans attendrissement, à une sorte de triste, ô bien triste gratitude, ces longues avenues de lits bien blancs, ces longs rideaux blancs, car tout est long et blanc en quelque sorte en ces asiles. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et aujourd'hui, en compagnie du philosophe Éric Fiat, nous parlons du lit d'hôpital dans cette série d'émissions sur le lit, les trois lits de Platon, ça c'était hier, on parlera du lit des libertins, mercredi du lit de Frida Kahlo, comme vecteur, même lieu de la création jeudi. Aujourd'hui donc le lit d'hôpital avec cette description donc de Paul Verlaine. Il faut le rappeler, Éric Fiat, que l'hôpital aussi a une histoire en réalité. On le prend pour argent comptant, si j'ose dire, argent manquant. On entendait le discours d'Edouard Philippe qui a ouvert cette émission. Dans ce texte, on a aussi le témoignage d'un autre mode de fonctionnement de l'hôpital. Oui, bien sûr, les choses ont beaucoup changé, je pense, heureusement. Aujourd'hui, la plupart des malades se retrouvent dans des chambres seules ou à deux, mais quand même seules. C'est tout autre chose. Depuis une certaine décision de justice, c'était l'arrêt Chantal Nobel de 1985. La chambre du malade hospitalisé est considérée comme un domicile privé. Vous vous souvenez de cette histoire, hein, c'était une vedette de télévision, je crois, qui avait un accident grave et les journalistes entraient dans cette chambre pour la filmer dans l'état où elle était. Et ça a donné lieu à donc un arrêt qui dit que la chambre du malade hospitalisé est un domicile privé. Et puis la charte du patient de 1995 et la loi du 4 mars 2002, vous voyez, j'ai vérifié, insistent sur la possibilité pour le malade à l'hôpital de retrouver quelque chose comme un lieu intime, un lieu privé. Donc on est assez loin de Verlaine. En même temps, la délicatesse verlainienne fait que sa révélation de réalité extraordinairement dure et douloureuse ne l'empêche pas de rendre hommage à des petits moments de douceur tout de même. On n'est pas évidemment dans une lumière radieuse, mais je dirais que dans Verlaine, et en particulier dans ce texte, ben, il y a des reflets intermittents de lumière, voire des reflets de reflets, qui laissent à croire que la douceur s'est trouvée son chemin, même dans ces lieux qui paraissent les plus durs des lieux. Si je parle d'une histoire de l'hôpital, c'est parce que celui-ci n'a pas toujours été uniquement le lieu de la médicalisation. Si on remonte le fil de l'histoire, justement, on se rend compte qu'à une époque, c'était les religieux qui s'occupaient des hôpitaux, oui. Qu'il y a une forme de lente sécularisation de l'hôpital. C'était aussi le lieu du recensement de la population. Qu'en fait, même sans doute encore aujourd'hui, ce n'est pas simplement le lieu où l'on s'occupe des gens malades. Il y a une dimension, notamment politique, très importante. Oui, bien sûr. Cette évolution, bon, peut se résumer à deux idées toutes simples. L'hôpital s'est laïcisé, l'hôpital s'est technicisé. Il s'est laïcisé puisque il fut une époque où, quand on n'était pas bien, eh bien, on avait grand chance ou grand risque de se retrouver à l'Hôtel Dieu, l'Hospice des Sœurs du Bon Secours, l'Auberge du Bon Samaritain, la Pitié Salpêtrière, la Charité. Et alors, on y était soigné en effet par des religieuses, et alors on y était malade ou l'on finissait sa vie sous un crucifix. Or, l'hôpital s'est laïcisé, puisque aujourd'hui, quand on n'est pas bien, bien, on n'est plus à l'Hospice des Sœurs du Bon Secours, à la Charité, à la Pitié, mais on est à l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au CHU, voire au CHU, au Myosotis, au Pervenche. On donne souvent des noms de fleurs aux maisons de retraite, je ne sais pourquoi, ça mériterait une interrogation. Oui. Et alors, on n'est plus soigné par des bonnes sœurs, mais par des aides-soignantes, qui ne portent plus cornette, mais peut-être blouse légère. Au-dessus du lit, plus de crucifix. Et à l'entrée de ces établissements, le crucifix a disparu. Et il a été remplacé par la charte du patient hospitalisé. C'était exactement le même endroit. Et sur cette charte, vous n'entendrez pas parler d'amour du prochain, mais du respect de la dignité de la personne âgée, si c'est un EHPAD, malade, si c'est un hôpital général, en situation de handicap, si c'est une maison d'accueil spécialisée. Donc, d'une part, laïcisation de l'hôpital. Et d'autre part, technicisation de l'hôpital. Car en effet, à l'Hôtel Dieu, à l'époque de Verlaine, sans doute encore, on s'occupait de l'âme, assez peu du corps. On laissait le soin du corps à une empirie bienveillante, si vous voulez. Le modèle du soignant, à l'époque, c'était le bon samaritain. Or, ça s'est technicisé, et heureusement, parce que le bon samaritain fut-il un bon soignant. Vous vous souvenez de cette histoire, hein ? Je cite de mémoire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut abordé par des brigands qui le volèrent et le rouèrent de coups. Un prêtre vint à passer, le vit, mais poursuivit son chemin. Un lévite fit de même, mais un samaritain qui était en voyage dans la région s'approcha de lui. Fut pris de pitié, ému jusqu'aux entrailles. Il enduisit ses plaies d'huile et de vin, puis le chargea sur sa monture et le conduisit à l'hôtel proche en commandant qu'on prît soin de lui. Alors c'est ce que le Christ invente comme histoire après qu'un de ses interlocuteurs lui ait demandé qu'est-ce qu'aimait son prochain. Et le Christ dit « Lequel de ces trois aimait le prochain ?» Le prêtre, le lévite ou le samaritain ? Le samaritain. À l'époque, le samaritain était le modèle des soignants parce qu'il liait l'amour et le soin. On ne pouvait aimer sans soigner, on ne pouvait soigner sans aimer. Idée d'un lien nécessaire entre les deux. Mais en même temps, ce samaritain, eh bien, soignait-il bien le corps ? Vous savez, enduire d'huile et de vin le corps d'un malade entre Jérusalem et Jéricho, je ne suis pas sûr que d'un point de vue nosocomial, ce soit génial. Vive cette technicisation de l'hôpital qui fait qu'aujourd'hui, les soignants ont des moyens bien plus grands qu'avant pour, en effet, essayer d'apaiser la douleur au goût de sel. Le problème, pour revenir au début de notre conversation, c'est que pour soigner les corps, comme on le fait aujourd'hui dans cette médecine hypertechnique, on a besoin de les objectiver. Le corps doit être mis en pleine lumière, il doit être objectivé, regardé comme un objet, et que le risque de cette objectivation, c'est quelque chose comme une blessure de la pudeur. Alors je ne regrette pas du tout l'hôpital d'hier, cet hôpital laïcisé et technicisé est une merveille. Il faut rendre hommage du matin au soir au matin aux soignants qui essaient de soigner les corps. Mais, toute belle idée a ses effets pervers, disait notre maître Aristote. Et en effet, quelque chose de la pudeur du malade peut être mis à l'épreuve dans l'hôpital d'aujourd'hui. Si on suit les descriptions notamment proposées par Verlaine, une forme de description extérieure de l'hôpital, on pourrait appeler ça une forme de phénoménologie de l'hôpital, on décrit ce qu'il s'y passe, on décrit quels sont les enjeux. Et quand on se trouve à l'hôpital et encore plus autour d'un lit d'hôpital, il y a différentes façons de le faire. On peut se mettre à la place du médecin qui vient rendre visite, on peut se mettre à la place du visiteur qui vient aussi rendre visite, et à la place de celui qu'on va appeler le malade, le patient, qui sera toujours affublé d'un doux nom qui relèvera d'une forme d'euphémisme. Lorsque vous parlez de pudeur, c'est du point de vue du soigné que vous vous mettez. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la pudeur de celui qui est allongé? D'abord, qu'est-ce que la pudeur et comment est-elle violée ou corrompue à l'hôpital? J'aimerais essayer de voir la réalité des trois points de vue. Le malade, son proche, le soignant. Cependant, parlons d'abord, comme vous m'y invitez, du malade. Alors en effet, je fais cette hypothèse selon laquelle l'homme, c'est l'animal pudique. Il me semble que la pudeur dit quelque chose de l'essence de l'homme. Et il me semble que ce qui arrive à l'hôpital, ce sont des homo sapiens sapiens, des bipèdes sans plumes pudiques. Or, la grande question est de savoir si leur pudeur va dégénérer en honte ou pas. J'essaie de m'expliquer. L'étymologie a souvent raison, mais pour pudeur, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, car pudere en latin veut dire avoir honte. Il n'y aurait donc pas de différence entre la pudeur et la honte ? Oh si, car il me semble que l'homme pudique est un honteux en puissance et non pas un honteux en acte. La pudeur, c'est pas la honte. La pudeur, c'est une possibilité de honte, une puissance de honte, une honte virtuelle. Le pudique parle avec euphémisme ou litote. Le honteux se tait. Le pudique se montre discrètement. Le honteux voudrait disparaître à tous les regards. Or, quand on arrive à l'hôpital, on est pudique et on espère que la pudeur ne dégénérera pas honte. Et c'est là, évidemment, que le regard du soignant est chose fondamentale. Et si le soignant respecte la pudeur du patient, alors sa pudeur ne dégénérera pas en honte. Et j'ai grand respect pour ces soignants qui, même s'ils sont pris dans un système technique qui attend d'eux qu'ils objectivent complètement le corps, qu'ils le mettent en pleine lumière, eh bien, ces soignants, donc, qui savent protéger la pudeur du patient en jetant ce que j'appellerais un voile de fin silence sur l'émotion du malade, une ombre de délicatesse. Et je mets à la place, enfin j'essaie cette fois de me mettre à la place des soignantes. Elles doivent aller très vite, elles n'ont pas le temps. Elles souffrent parfois de blesser ces malades qu'elles doivent soigner. Et cependant, elles arrivent cependant par une petite caresse, un petit geste, un regard détourné, à avoir ce qu'on pourrait appeler le tact du regard ou le tact de l'âme. Quand t'auras fini ta pause, la famille du vieux monsieur est là. Le vieux monsieur mort ? Oui. Mais c'est pas mieux que ce soit un médecin qui leur parle ? Donc toi ? C'est ton patient, ton certificat de décès, ta famille. Mais tu vas très bien t'en sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je suis arrivée ce matin... Il était déjà comme ça, j'ai bipé la réa, on n'a rien pu faire, quoi. Vous savez s'il a eu mal ? Non, je sais pas. Vous le connaissiez ? Enfin, vous le suiviez ? Je vous ai jamais vu ? Non, moi, c'est mon premier jour, je suis en terme. Et le docteur Lantier, il est pas là ? Non, il est pas là aujourd'hui. Mais par contre, il sera là demain. On va vous amener dans la salle des familles pour signer des papiers. Et votre père, lui, on va l'emmener à la morgue. Au revoir. Désolée. Le processus de détérioration amorcé dans mon sang par le sida se poursuit de jour en jour. Bien avant la certitude de ma maladie, sanctionnée par les analyses, j'ai senti mon sang tout à coup découvert, mis à nu, comme si un vêtement l'avait toujours protégé, sans que j'en aie conscience. Il me fallait vivre désormais avec ce sang dénudé et exposé, à toute heure, dans les transports publics, dans la rue quand je marche, toujours guetté par une flèche qui me vise à chaque instant. Est-ce que ça se voit dans les yeux ? Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Le contraste absolu entre d'un côté le rôle de la personne qui est censée soigner un malade, ici une interne, c'est dans la série Hippocrate, hein, une série diffusée sur Canal+, créée par Thomas Lilti, où donc cette, ce qu'on appelle une interne doit annoncer la mort d'un patient, elle ne sait pas comment le faire, elle emploie les mauvais termes et elle quitte la pièce en disant qu'elle est désolée, comble de la maladresse, et le témoignage d'Hervé Guibert. Un documentaire diffusé en 1992, le documentaire s'appelle, figurez-vous Eric Fiat, La pudeur ou l'impudeur, dans lequel Hervé Guibert raconte l'impudeur de son propre sang exhibé, dit-il. Ce qui fait penser, en fait, quand on entend le témoignage d'Hervé Guibert après l'extrait de la série, qu'en fait, finalement, on peut se cacher aussi derrière ce qu'est l'hôpital, sa structure, son institution, pour mieux... peut-être soit composer avec, soit recouvrir quelque chose qui, de fait, est invivable, parce qu'en l'occurrence, le VIH, c'est une maladie qui est en train de le tuer. Alors, il y a forcément un hiatus entre le point de vue des deux personnages, bien sûr, hiatus entre l'événement prodigieux qu'est la mort d'un homme, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, la fin d'un monde, et puis les banalités des processus de la vie quotidienne, un hiatus entre ce que l'on pourrait appeler le ravage et l'usage. J'essaie de faire une rime, hein, je ne sais pas ce qu'elle vaut, entre l'effraction de la métaphysique et la continuation routinière. Et parce que j'essaie de me mettre des trois points de vue, hein, celui oui. du malade, celui du soignant et celui du proche, donc peut-être dire un petit mot, je dirais que les maladresses des soignants ne sont pas forcément leur fait. Parce qu'il faut voir aussi qu'ils sont pris dans un protocole, dans une procédure qui parfois les fait faire du mal à des patients à qui ils ne voudraient pas en faire. Vraiment, cette médecine contemporaine est extraordinairement protocolisée, procédurisée, technicisée, mécanisée. Ne disons pas du mal des protocoles, des procédures, des techniques et des mécaniques. Toutes ces choses sont absolument nécessaires pour bien soigner. C'est beaucoup mieux que le samaritain. Ce n'est pas du protocole que je dis du mal, c'est de la protocolisation. Ni de la procédure, mais de la procéduration. Ni de la technique, mais de la technicisation. Ni de la mécanique, mais de la mécanisation. J'y suis arrivé, youpi. Mais voyez que les soignants eux-mêmes sont pris là-dedans. Quand Cocteau a été hospitalisé, pendant qu'il tournait le journal de La Belle et la Bête, il a parlé de l'hôpital. Il décrit sa souffrance en des termes absolument extraordinaires. Il m'est arrivé de parler de la souffrance quand je ne la connaissais pas. Alors je pouvais la couler en belles images. Je pouvais nervaliser. C'est génial ce néologisme, cette façon que Cocteau a de rendre hommage à un autre poète du siècle d'avant, c'est-à-dire Gérard de Nerval, voyez. Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine a tout aboli. Mais quand on souffre sur un lit d'hôpital, on ne parle pas comme ça. Ouais. Hein, bon. Et puis alors, il a mal, il souffre vraiment, il souffre comme une bête, d'ailleurs, il le dit. Et il appelle, et voilà ce qu'il dit de la conduite des bonnes sœurs. Là encore, j'essaie de citer de mémoire. « Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes, elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté. On appelle, c'est un automate vêtu de blanc qui entre dans la chambre, la range et en sort. » Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Trouvez-vous pas ce texte très très éloquent ? Alors évidemment, les choses ont changé, c'est plus le médecin-chef, c'est le chef de pôle, c'est plus la mère supérieure, c'est la cadre supérieure infirmier, c'est plus des bonnes sœurs. Mais je dirais que le texte de Cocteau est encore plus actuel, parce que justement, étant donné que la médecine est plus technique aujourd'hui qu'à son époque et qu'à celle de Verlaine, eh bien justement, on a l'impression que la singularité du cas du patient fait les frais de cette protocolisation-là. Je m'étais occupé du mouvement social, comme on dit, des aides-soignantes en EHPAD. Et ce qui m'avait beaucoup ému, c'est que ce n'était pas qu'une revendication corporatiste d'aides-soignantes qui voulaient un meilleur sort, elles ont raison. Mais ce n'était pas que pour elles qu'elles se battaient, c'était aussi pour les vieilles dames à qui elles faisaient du mal de devoir être protocolisées, de devoir faire des toilettes très rapidement comme elles le font. La formule qui m'était venue, c'est « ces aides-soignantes ont pour ces vieilles dames la colère qu'elles ne peuvent plus avoir ». Donc même notre médecin qui a bipé la réa, et qui ne sait rien d'autre que désolée et peut-être elle-même victime et souffre de ne pas trouver les mots. Précisément, comment fait-on, Éric Fiat, pour faire entendre dans un contexte de revendications non seulement financières, mais au-delà même de revendications de conditions nécessaires pour continuer à faire en sorte que l'hôpital puisse bien fonctionner, une réflexion, les réflexions qui sont les vôtres et qui concernent non pas tellement l'argent que la perte de la délicatesse, que la délicatesse justement des questions de la pudeur, dans quel espace où faire entendre ces notions qui sont en fait absolument décisives parce que beaucoup plus concrètes et absolument visibles quand les questions des procédures sont parfois justement invisibles et on ne mesure pas le poids qu'elles ont parce qu'on ne les voit pas directement. C'est très difficile de faire entendre cet espace. C'est le rôle du philosophe que vous êtes de faire entendre ces choses-là ? Alors, oui et non. Non. Non, parce que je disais tout à l'heure que je n'aime pas que l'éthique soit de plus en plus une déontologie. Mmh. Enfin, vous ne faites pas la leçon depuis que vous parlez à ce micro. Mais justement, j'aurais honte de moi. Ouais. Si j'acceptais d'être dans la posture de celui qui dit aux soignants « vous devez, vous ne devez pas ». Mon travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Hein. Saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je voudrais ne pas faire. Et il s'agit justement d'essayer de comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas forcément. Donc, je ne suis pas dans la déontologie, dans la leçon. Mais j'essaie de rendre sensible les conditions concrètes dans lesquelles les soignants sont pris et les raisons pour lesquelles ils n'y arrivent pas toujours. Alors, je parie. Mais au fond, notre émission ne fait-elle pas ça ? Le détour par la littérature, par la poésie, est peut-être ce qui permet une meilleure présence, une distance provisoire pour une meilleure présence. C'est ça que moi j'essaie de proposer à mes étudiants, à mes soignants, en effet. Et en effet, lire un texte de Verlaine, un texte de Guibert, je crois en effet que ça peut faire en sorte justement, voyez, que l'exhibé ne devienne pas l'obscène, par exemple. Alors on me dira l'argent, le temps. Par exemple, une toilette, quand on doit la faire en très peu de temps, forcément on blesse, parce que ce qui fait les frais d'une toilette très rapide, c'est la singularité. Un corps, c'est pas homogène. Il y a des points de pudeur, des points de honte, des points de fierté. Il y a des points qui ont mal. L'aide-soignante approche son gant de l'intimité de cette vieille dame, et la dame hurle alors qu'elle ne l'a pas touchée. Pourquoi ? Eh bien, on peut peut-être imaginer que cette vieille dame, malgré les délabres de l'esprit du Alzheimer, a une mémoire sensible de cette main baladeuse d'un oncle qui a l'abusé dans sa jeunesse. Et donc, mettre en mots ce que les corps parfois crient, ça, c'est un peu mon métier. Mais vous voyez, c'est pas du tout de la déontologie. Il n'y a pas d'éthique sérieuse s'il n'y a pas d'abord une phénoménologie, comme vous disiez, patiente de ce qui se passe. En tout cas, c'est de la poésie qui arrive, un texte que vous avez proposé, en effet, Éric Fiat, un texte de Philippe Jacotet. Est-ce que vous voulez en dire deux mots avant qu'on l'écoute ? Ou alors est-ce qu'on l'écoute et ensuite vous en parlez ? On l'écoute. Vient un moment où l'aîné se couche, presque sans force. On voit, de jour en jour, son pas moins assuré. Lorsque le maître lui-même est emmené si loin, je cherche ce qui peut le suivre. Ni la lanterne des fruits, ni l'oiseau aventureux, ni la plus pure des images, plutôt le linge et l'eau changée, la main qui veille et le cœur endurant. Sinon le premier coup, c'est le premier éclat de la douleur, que soit ainsi jeté si bas le maître, qu'il soit ainsi châtié, qu'il semble faible enfonçant dans le lit de nouveau trop grand, enfonçant le secours des pleurs, sans secours où qu'il se tourne, acculé, cloué, vidé. Il ne pèse presque plus. La terre qui nous portait tremble. Muet, le lien des mots commence à se défaire aussi. Il sort des mots, frontières. Pour peu de temps, nous le voyons encore, Il n'entend presque plus. Ailerons-nous cet étranger s'il a oublié notre langue? S'il ne s'arrête plus pour écouter? Il a affaire ailleurs. Il n'a plus affaire à rien. Même tourné vers nous, c'est comme si on ne voyait plus que son dos. Dans ce que nous venons d'entendre, Eric Fiat, le texte de Philippe Jacotet est aussi important que le violon. C'est la suite numéro 3 composée par Bach, ici interprétée par Yehudi Menuhin. Je vous laisse nous dire pourquoi d'ailleurs. Ce que nous écoutons, c'est un enregistrement pris sur le vif. C'est Yehudi Menuhin, le violoniste merveilleux que l'on sait, qui joue donc cette aria de la troisième suite de Bach au violon, au chevet d'un malade, d'un soldat malade. Menuhin a énormément joué de violon pour les GI pendant la guerre. D'ailleurs, il en est revenu transformé, profondément blessé. Et alors, on peut voir une vidéo, je pense, sur Internet, où on voit Menuhin jouer au chevet d'un soldat très mal en point et qui lui sourit. Jacotet dit un moment quand l'aîné est devenu faible en fanson. Un limaçon, c'est une petite limace, donc un enfanson, c'est un petit enfant. Il semble faible enfanson, voilà. Dans le lit de nouveau trop grand, enfant sans le secours des pleurs. Dans le lit de nouveau trop grand, sans le secours des pleurs, car souvent l'enfant a le secours des pleurs et ses pleurs fomentent la venue, appellent la venue de sa mère, de son père. Mais là, il est au-delà des larmes. Et en effet, alors Philippe Jacotet me paraît peut-être le plus grand poète contemporain, il a 95 ans bientôt, mais quelle poésie délicate, quelle merveille, je trouve. Et il nous demande ce qui peut suivre l'aîné. Alors, non pas la plus pure des images, là encore, il ne s'agit pas de mettre des dentelles à la Camarde, hein, si j'ose cette formule. Soyons crus, oui, c'est terrible de voir, comme Jacotet sans doute le décrit ici, son père devenu faible enfanson dans le lit de nouveau trop grand, sans même le secours des larmes. Comment le suivre, alors qu'apparemment il ne veut même plus qu'on le suive, puisque même quand il est face à nous, il nous tourne le dos. Nous avons tous connu des réalités de ce genre. Il nous dit que la plus pure des images même ne peut pas forcément le suivre. Il nous dit « le linge et l'eau changée, la main qui veille et le cœur endurant ». Et là encore, c'est un hommage aux soignants qui changent le linge, qui changent l'eau, qui ont la main qui veille et le cœur endurant. Mais il me semble que ce qui peut aider la main à veiller et le cœur à endurer, bah, c'est de la musique comme celle que nous venons d'entendre. Le texte de Philippe Jacotet, quand même, alors on l'a entendu, peut-être qu'il a laissé des traces dans l'esprit de nos auditeurs, mais il adopte un autre point de vue, il exprime un autre point de vue qui est celui de celui qui accompagne. Oui. Ce terme a quelque chose d'assez fort, accompagner. Qu'est-ce qu'on accompagne? Un corps, un être et vers quoi? Alors, l'étymologie, là, a peut-être raison. Le compagnon est celui qui partage le pain, mais l'homme ne se nourrit pas que de pain, évidemment. J'ai été très admiratif de la formule d'un grand philosophe contemporain, je dis ça pour rire, c'était Jean-Pierre Coff, qui avait été malade et puis après allait mieux et s'est intéressé à ce qu'on donnait à manger aux malades dans leur lit. Et il trouvait que c'était pas bon du tout, enfin voilà. Et il avait dit, le problème c'est qu'on leur donne la béquée alors qu'on devrait manger avec eux. Il avait dit, mais le pain appelle le copain. Cette formule est magnifique. Le meilleur pain du monde mangé seul perd de tout son goût. Avec des amis philosophes, un jour on s'interroge sur la beauté. Vous savez, on n'a pas toujours des conversations de ce niveau-là, mais enfin, ce jour-là, mon Dieu, ça allait pas mal. Et l'un de nous propose cette définition, le beau, c'est ce devant quoi je voudrais être deux. Alors, celui qui accompagne, je crois capital de comprendre que les trois cœurs qui se trouvent dans la chambre, donc le malade... Trois cœurs ? Et pas les corps, vous avez dit cœur, n'est-ce pas? Mais faut... on n'est pas entre dualistes, Adèle. Donc, par cœur, on entend ce tout qu'est le corps-âme. Bon, mais j'essaie de rendre hommage à ce qu'il y a de plus rouge, de plus fragile dans l'être humain qui va mourir à ce moment-là. Vous savez, je crois qu'il faut parler du cœur. Et pas seulement de l'âme et de l'esprit, et pas simplement du corps. Peut-être le mot m'est venu trop vite, mais enfin, je ne regrette pas qu'il me soit venu dans la mesure où ce sont trois cœurs battants et souffrants, même celle qui bipe l'aréa. Et je crois, la psychanalyse nous a aidé à comprendre ça, que ces trois cœurs sont souvent très ambivalents, voire clivés. Il y a une partie du malade qui n'en peut plus et qui appelle la mort comme une délivrance. Et puis tout de suite après, il se dit mais non, tant que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Voyez, même chose, je crois, chez le proche. Il y a des moments où, quand on a accompagné longtemps, on n'en peut plus, on est épuisé de fatigue. Je trouve que je suis intéressé à cette notion capitale qu'est la fatigue des proches. Et donc, il y a un certain moment où fomente, même dans la plus amoureuse des amoureuses, l'idée sur laquelle faut que ça s'arrête, ce sera une délivrance et je ferai tel voyage. Mais tout de suite après, elle a envie de dire, comme Édith Piaf, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Et je crois aussi ambivalence, voire clivage, dans le cœur du soignant qui est à la fois est là pour maintenir la vie jusqu'au bout, puis qui a envie qu'elle s'arrête aussi. Vous parliez de la fatigue à propos de celui ou celle ou ceux qui accompagnent le malade. Et c'est le terme clé, me semble-t-il, si on se situe de ce côté-là de l'hôpital, parce que la fatigue n'est-elle pas, et aussi d'ailleurs du point de vue des soignants, ce qui vient assigner une limite à l'éthique, n'est-ce pas, la fatigue qui vient remettre en question totalement ce que l'on tenait pour bon ou pour mauvais, qui nous fait être maladroit, comme la fameuse interne qui bipe l'aréa, décidément. Voyez, est-ce que finalement c'est pas autour de cette notion-là et de cet état-là que se joue la réalité du lit de l'hôpital? Vous avez profondément raison, et je crois que ce qui m'a invité à consacrer mon industrie au thème de la fatigue... C'est-à-dire que vous avez écrit un livre sur la fatigue, disons. Oui, c'est ça. C'est justement que je m'indignais au fur et à mesure des années de voir que les moralistes, encore plus les moralisateurs, mais même les moralistes, qu'il ne faut pas confondre, très souvent s'adressent à un sujet moral en forme. Or, ce qui fait qu'on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire ou qu'on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire, c'est parfois ce petit démon mesquin de la quotidienneté qu'est la fatigue. J'aime à dire que la fatigue, ça vous transforme en quelques années un amoureux en mari. Que la fatigue, ça... Il faut l'entendre comme une défaite, hein, j'ai l'impression. Ah, mon Dieu. C'est un autre sujet. Oui, en effet. Que la fatigue en effet rend difficile l'accomplissement des vertus aristotéliciennes, par exemple. Les vertus d'Aristote, c'est le courage, la patience, l'altruisme. Essayez d'être courageux quand vous êtes épuisé de fatigue. C'est comme si la fatigue fomentait la lâcheté. Essayez d'être patient lorsque vous êtes épuisé de fatigue. On est beaucoup plus impatient quand on est fatigué. Vous savez, le phénomène qui fait que nos enfants ou petits-enfants, je ne sais, sont insupportables quand ils n'ont pas assez dormi, est un phénomène qui continue de fomenter en nous. Alors, puisque nous avons, paraît-il, atteint l'âge de raison, nous essayons, bien que fatigués, de ne pas le montrer. Nous jouons la comédie, en effet, de l'infatigabilité. Mais généralement, quand on rentre chez soi, les proches prennent dur, hein, comme on dit aujourd'hui. Enfin, l'égoïsme. Un homme épuisé de fatigue est plus facilement égoïste qu'altruiste parce qu'il doit déjà se porter lui-même. Alors, s'il faut en plus porter autrui. Et ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce thème-là, c'est en effet qu'il y a quelques regrets à voir que la plupart des moralistes oublient que la fatigue transforme profondément des êtres. Alors, elle peut avoir aussi ses beautés et ses douceurs. Mais si elle assigne une limite à l'éthique, n'est-ce pas aussi le cas de la maladie ? Est-ce que finalement le fait d'être malade ne redistribue pas les cartes de l'éthique? Finalement, peut-être que si on sait en plus que c'est une maladie dont on doute que l'on se remettra, quel sens y a-t-il encore à se comporter de manière éthique, à faire attention à la pudeur, à la dignité et à d'autres choses essentielles au fait d'être ensemble? En effet, elle nous dénude, elle nous met à nu, mais elle ne met pas à nu que nos plus mauvais côtés, mais peut-être aussi nos meilleurs. Je veux dire par là qu'une fatigue assumée, une fatigue contre laquelle on ne lutte plus, pour essayer de jouer la comédie de l'infatigable, est une fatigue qui peut engendrer ces belles choses que sont l'humilité, que sont au fond le courage. Parce que les infatigables ne sont pas courageux. Le courage suppose la domination de ce qui empêche d'être courageux. C'était pas clair, vous me le diriez. Et donc, de même que Aristote a dit que seuls ceux qui connaissent la peur peuvent être courageux, même je dirais que seuls ceux qui connaissent la fatigue peuvent être courageux. Mais est-ce vrai de la maladie aussi? Pour la fatigue, d'accord, mais pour la maladie? Ah, la maladie. La maladie, oui, vous voyez, vous n'avez pas vu la réa, vous avez bipé la fatigue. Vous avez parlé de la maladie, vous avez répondu par la fatigue. Et l'une entraîne souvent l'autre, mais c'est pas la même chose. Alors, c'est toujours très surprenant. Elle peut avoir parfois une force de décantation, parce qu'il faut distinguer entre la maladie et la douleur. Je dirais que toutes les maladies n'entraînent pas tout le temps des douleurs, si vous voulez. Et donc on a l'image de grands malades qui continuent d'être des êtres merveilleux, vous savez, et qui même le deviennent plus quand ils sont malades qu'avant de l'être. Mais ce qui en effet est une espèce de menace, enfin pour l'éthique. C'est la douleur, hein, la douleur à goût de sel qui on essaie de s'envelopper de brume, comme dit Jacotet quelque part, et puis elle s'approche. Hein, on n'a plus la possibilité de jouer. Hein, le jeu, c'est un mot chez les bricoleurs. Il y a du jeu, il y a encore du possible. Et progressivement, la douleur s'approche comme une bête sauvage. Et on ne voit plus que son mufle. Et à ce moment-là, on est acculé, vidé, comme le disait tout à l'heure Jacotet. Cette douleur, en effet, m'écue par-dessus tête les catégories de l'éthique. Comme la belle face à la bête, vous citiez Cocteau. Ah oui, comme la belle face à la bête. Je citais tout à l'heure le journal de La Belle et la Bête. Mais dans La Belle et la Bête, il y a un passage, qui me semble, là encore, pouvoir être entendu par les soignants que je rencontre. Cocteau, puisqu'il souffre beaucoup, va analyser l'expression « souffrir comme une bête ». En tant que poète, il doit avoir l'oreille attentive aux mots qu'il emploie. Et en effet, souffrir, c'est souvent être recroquevillé au coin de la chambre, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Et la langue des bêtes, c'est le cri, le gémissement, le hurlement ou le grand silence, qui est encore plus terrible quand on a des proches qui sont silencieux sur le lit, peut-être encore plus douloureux que s'ils haletaient, si vous voulez. En effet, on n'est plus dans Nerval, hein. Les malades qui souffrent comme des bêtes ne disent pas « Alors comment vas-tu ? Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé. » Non, ils souffrent. Et Cocteau, vous savez, dans son film La Belle et la Bête, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter cette petite scène. Allez-y. Alors, il s'agit d'un homme. Mais cet homme ne peut montrer à la femme qu'il aime que les traits hideux d'une bête. Il essaie de dissimuler sa bestialité, vous savez, par toute une série d'inventions. Il a une couronne, il a des vêtements somptueux, des parfums, il a des manières d'une extraordinaire délicatesse. La belle, avez-vous froid? La belle, avez-vous faim? Mais il y a des moments où il ne peut pas cacher sa bestialité. Notamment quand la belle le voit en train de laper plutôt que de boire. Quand la belle le voit, c'est un espèce de lion, donc il a des instincts de prédateur, tuer une biche et la dévorer à pleines dents. Mais surtout, scène extraordinaire, la belle est dans ses appartements. Elle entend du bruit. Que faites-vous devant ma porte à une heure pareille? Dieu, vous avez du sang partout. Pardon? De quoi me demandez-vous pardon? D'être une bête. Cette formule est prodigieuse parce que j'ai entendu, alors je vais quand même un peu à l'hôpital, hein, une vieille dame que l'aide-soignante venait de rechanger sur son lit d'hôpital, dire cela à l'aide-soignante. Excusez-moi, pourquoi me dites ça? Vous voyez, je fais comme une bête, je fais sous moi. Et à ce moment-là, la belle regarde la bête comme la bête voulait n'être pas regardée, c'est-à-dire qu'elle la regarde comme un objet, elle la regarde comme ça. Et à ce moment-là, la bête dit à la belle, ne me regardez pas ainsi, votre regard me brûle, fermez votre porte, fermez votre porte. On entend la musique de Georges Auric, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Et là, par la grâce des trucages, vous avez de la fumée qui sort du corps de la bête. Il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil. Et quand on souffre comme une bête, quand on a mal au point de ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête, en effet, là, capital est le regard que l'autre a sur soi. Et ce regard peut être cuisant, peut faire fondre la dignité comme neige au soleil, ou au contraire, peut être adoucissant. C'est l'importance du regard, cette fois-ci, qui relie les trois composantes dont vous nous parlez, hein, celui qui est sur le lit, celui qui est à côté, celui qui vient soigner. En fait, tout passe par le regard. C'est le regard qui fonde autrui dans ce qu'il devient. Vous avez tout à fait raison. En fait, il faudrait recommencer l'émission et puis uniquement s'occuper à cette triangulation de cœur, mais d'abord de regard. Le regard, ça peut être aussi un égard. Le regard peut être un oiseau de proie. Le regard peut être au contraire l'égard pudique, attentif au fait que l'autre n'est pas un objet. Il y a des regards objectivants, des regards subjectivants. Il y a des regards qui mettent en pleine lumière, des regards qui mettent dans le clair-obscur. Et puis alors, il y a aussi de l'indicible. Et puis aussi du maladroit. Vous arrivez dans une chambre, vous ne savez pas forcément que dire. Il est des mots qu'on ne dira jamais, il est des mots qu'on ne sait pas qu'on a dit. Qu'est-ce qui se passe dans le regard de la mère vers son fils qui ne parle pas ? Alors, le prochain sujet, c'est le mystère. Je pense que le mourant sur son lit de mort, c'est pas seulement un problème, une énigme, un secret, c'est un mystère. Bien sûr qu'il y a des problèmes à résoudre, mais le problème vit dans l'horizon de sa solution. La solution du problème y met fin. Ça y est, on a solutionné le mal de ce mourant. L'énigme a un mot, le secret eh bien, finit par se divulguer. Mais je crois que le mystère, lui, eh bien, n'a pas de mot, n'a pas de solution. La philosophie, c'est un effort pour essayer de circonscrire le mystère. Comme dit Simone Weil, il ne s'agit pas d'admettre que c'est mystérieux. Non, tous les efforts de la raison, tous les efforts de l'intelligence pour dissiper le mystère. Mais il y a quand même quelque chose qui demeure mystérieux dans ce qui se passe dans le cœur de celui qui va mourir. Et rendre hommage à ce mystère, c'est le devoir de chacun. Et encore plus le devoir de celui qui prétend faire de l'éthique, vous savez. Et il peut le faire notamment en écoutant la fin du Château de ma mère, de Marcel Pagnol. Ah, le récit de mort mystérieuse, s'il en est, la mère, le petit frère, le petit Paul et Lily. Je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère pour toujours. Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme, nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle. Puis le petit Paul est devenu très grand. Il portait une barbe de soie. Dans les collines de l'Étoile, qu'il n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Il fut le dernier chevrier de Virgile. Mais à 30 ans, il disparut à son tour. Mon cher Lily l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille, sous un carré d'immortel. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie. Et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Je ne sais pas s'il existe des fins plus tristes, Eric Fiat, en tout cas des fins qui soient aussi mystérieuses, parce qu'au fond c'est ça, vous avez prononcé le terme et c'est exactement ce qui s'applique à cette fin où en deux paragraphes, les trois personnages les plus importants pour le narrateur meurent, et en effet, en plein mystère, on ne sait pas. Enfin si, on sait que Lily a une balle en plein front, mais lui-même ne connaissait pas le nom des plantes sur lesquelles son corps se couche. C'est le mot-clé ici. Ça m'a toujours mis les larmes aux yeux et ça ne change guère. Je crois que les premières fois où j'ai entendu parler de la mort, c'est en lisant ça. C'est en écoutant Le petit cheval dans le mauvais temps de Paul Fort Brassin. Je m'étais identifié à ce petit cheval, tous derrière et lui devant. Il est mort par un éclair blanc un jour qu'il était si sage. Et ma mère se souvient encore de l'enfant inconsolable que j'étais quand j'ai compris qu'il était mort. Et puis c'est aussi le dormeur du Val de Rimbaud. Hein. Il a deux trous rouges au côté droit. En effet, parfois, lorsqu'on est face au mystère et que les mots manquent, ce qui les remplace, c'est la larme qui coule. Je vous redis du Jacotet pour pas qu'on finisse trop tristement. La seule grâce à demander aux dieux lointains, aux dieux muets, aveugles, détournés, à ces fuyards. Ne serait-ce pas que toute l'âme répandue sur le visage proche, dans l'invisible terre, fit germer un blé inépuisable ? pour ne pas se quitter avec une note triste, mystérieuse, pourquoi pas, triste, certainement pas, et pour venir à notre secours, c'est une suggestion de votre part, Eric Fiat. Il s'agit d'une chanson. Une chanson de Pierre Perret. On change complètement de registre. On a très très peu de temps avant de l'écouter. Juste dites-nous un mot, pourquoi cette chanson? Pierre Perret, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil qu'on le dit souvent. Et puis, elle parle du lit d'hôpital de très belle manière. Non, c'est bien de terminer avec le petit sourire de l'ami Pierrot, comme on disait dans le temps. Merci Eric Fiat d'être venu à ce micro ce matin. Voici donc Pierre Perret. De fer tout blanc et sur la table de nuit un bouquet d'anémones offert par un ami, un petit transistor qui vous soutient le moral, c'est là tout l'univers des petits vieux de l'hôpital. Ici ça sent l'urine et l'huile de goménol, une femme aux cheveux blancs, tout doucement somnole, elle attend des nouvelles de son fils qui lui a dit depuis des mois déjà qu'il viendrait un lundi, qu'on est loin de son pays natal. Quand on se retrouve à l'hôpital, un poète aux yeux clairs toute la journée fredonne, il y a longtemps déjà qu'il n'attend plus personne, et pourtant il écrit au poste de radio demandant aux chanteurs d'envoyer une photo. La salle commune est pleine et le docteur regrette que pour 40 il n'y ait qu'un cabinet de toilette et que ces deux infirmières accablées de labeur qui sourient et qui grondent mais ne comptent pas les heures. On est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital. Ils dévorent en cachette leur paquet de bonbons, c'est meilleur que l'endive et l'éternel jambon. Mais c'est dimanche heureux, en famille, en gâteau, peut-on les remplacer par un triste loto? De l'hôpital par Pierre Perret au journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie sur France Culture. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même, incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous vous interrogez sur l'amitié. C'est dimanche que m'est venue cette question vraiment toute simple, toute bête même. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est un ami? Et pas moins que ça, et pas autre chose que ça. Et qu'est-ce qui fait que telle personne n'en est pas un ou n'en est plus un d'amis? On connaît bien sûr la phrase de Montaigne pour la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais peut-on se contenter de ça, d'une telle déclaration, d'un tel état de fait? Pourquoi telle personne est donc pour moi un ami? Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur. Comme je l'ai dit, c'est dimanche que m'est venue cette question toute simple, qu'est-ce qu'un ami ? Et elle m'est venue parce que j'étais justement en train d'assister à une conversation entre deux amis qui s'inquiétaient pour un autre de leurs amis. Cet autre, appelons-le Jacques, a toujours été l'un des piliers de leur bande. Né à la fac, pendant leurs études, cette bande d'amis a connu les premiers boulots, les séparations, les amours, les déménagements, des déchirements autour des élections et les premiers enfants. Elle perdure encore maintenant, même si c'est moins intense, une quinzaine d'années plus tard. Dans cette bande, Jacques a toujours occupé la place de celui qu'on aime railler pour ses envolées lyriques, ses jugements sans appel, sa grandiloquence un peu ridicule. Quand ils sont plus moqueurs, ils disent même que Jacques est poseur, un peu comme comédien, impénétrable, voire insupportable. Au fur et à mesure que j'écoutais ces deux amis parler de Jacques, je me suis donc demandé ce qu'il pouvait bien encore lui trouver. Pourquoi s'en inquiétait-il ? Pourquoi Jacques était-il donc encore leur ami ? C'est vrai, après tout, s'il était insupportable, insaisissable à force de feintes de plus en plus lointains et même plus très sympathiques, pourquoi l'appelait-il encore ami ? Voilà, c'était ça ma question. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, malgré les défauts, malgré le temps qui passe, malgré l'éloignement, un ami reste un ami ? Qu'est-ce qui en lui, en l'ami, reste inaltérable ? Tu dînes avec nous ce soir ? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui ? Avec la patronne de l'hôtel. Oh, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté. Quoi. Et puis en plus, je sens que... Ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là ? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude ? Ça fait 2 jours que tu es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Les Bronzés, le film, sont pour moi l'exemple par excellence de ces amitiés un peu paradoxales. Avec des gens peu sympathiques, peu à l'écoute, qui ne se voient que de temps en temps, qui manquent de tact, de délicatesse, mais avec lesquels on partage pourtant tout. Plus que l'amour qui s'étiole sous le poids du quotidien, qui, pour un philosophe comme Pascal, tient aux qualités extérieures d'une personne, l'amitié semble avoir ce pouvoir de ne pas s'enraciner, ni dans la fréquence, ni dans des qualités qu'on prêterait à quelqu'un. On peut ainsi avoir de mauvaises fréquentations, ou ne voir son meilleur ami que tous les 6 mois. Paradoxalement, l'ami n'est pas forcément fréquentable ou fréquenté, et même, je crois qu'on peut dire que l'ami n'est pas toujours aimable. Il nous exaspère, il nous énerve, il aurait pu être un ennemi. On aime, voire d'ailleurs on adore, le critiquer. L'ami a donc une position vraiment particulière. Notre lien à lui n'est pas naturel, ni conventionnel. Rien ne m'oblige à l'entretenir ou à le rompre. Pourtant, c'est avec lui que j'aime me retrouver. C'est à lui que j'aime penser, avec lequel j'aime discuter. À quoi tient ainsi l'amitié si elle n'est ni le compagnonnage, ni l'amour, ni l'habitude, ni la vertu? Que partage-t-on avec un ami? Un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde fusible. Foucault disait qu'avec l'ami, on pouvait pratiquer la parésia, ce franc-parler que l'on peut s'autoriser avec certaines personnes seulement. J'ai déjà entendu dire, à l'inverse, qu'avec ses amis, on pouvait se permettre de ne pas se parler. Dans les deux cas, tout est un rapport d'échange, de dialogue, à ceci près qu'il s'émancipe de toute convention, de tout règlement, de toute justification et même de toute parole. C'est pour ça qu'on aime rire avec ses amis, sans limite, qu'on aime aussi les moquer, qu'on n'a pas peur non plus d'être premier degré, très aimant, mais pas forcément aimable. Je crois ainsi que l'amitié est inaltérable justement quand on n'en fait pas une obligation. Elle est nécessaire quand elle n'est justement pas nécessaire. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier en compagnie d'Isis Jourda, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Marie-Claire Omabadi à la prise de son, Maëlie Tricordeau à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série d'émissions sur le lit, enfin sur, autour, haut, en dessous, où vous voulez. Demain, on se fera en compagnie de Florence Lautry pour parler du libertinage, le libertinage de la philosophie dévêtue. On parlera notamment de Crébillon et d'autres dramaturges qui ont su mettre en scène les enjeux liés au lit, à la couche et au corps qui eux-mêmes s'allonge sur ce lit. Ce sera demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission sur le lit d'hôpital en compagnie d'Éric Fiat, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez, dans la position que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. Restez au lit, il est 11h. Et surtout, restez à l'écoute sur France Culture.